Maintenant, il est temps de passer au bienfait et au bon côté, ouais. Du voyage astral, ouais. Il ne faut pas que les dangers qui ont été énumérés sur l'enregistrement précédent, ouais, que vous devez avoir écouté. Car sinon, on ne continue pas. Il faut comprendre que ces dangers ne doivent pas nous empêcher de faire des voyages astraux, ouais. Lorsque l'on connaît un danger, il est moins dangereux, ouais. Et si l'on sait quoi faire pour les éviter, il n'y a pas de danger. Ouais. Parmi les plaisirs du voyage astral, il y a évidemment le fait de découvrir du neuf. Ouais. Nous avons vu que cette découverte du neuf était aussi l'un des dangers. Parce que nécessairement, elle change la vision qu'a l'homme de lui-même et qu'a l'homme des choses. Ouais. La vision du neuf est extrêmement utile. Ouais. Car elle fait partie de l'évolution intégrale de l'homme. Ouais. Et c'est pour cela que le voyage astral est bénéfique. Le voyage astral n'est pas bénéfique parce qu'il vous permet de visiter un camp nudiste, ouais. Ou de faire un tour chez le voisin ou la voisine. Non. Il y a le karma qui se rattache à ce genre de voyage astral, ouais. Non seulement vous consumez votre vie inutilement, ouais, mais en plus vous jouez avec des trames astrales qui, à un moment donné, vous tomberont sur le nez, ouais, ou ailleurs. Il y a, dans les bienfaits, la vision neuve de la constitution même de l'âme, parce que dans le voyage astral, comme dans le rêve, vous pénétrez le monde de la mort, mais en restant vivant dans la matière, ouais. Et c'est là un avantage. Parce que vous aurez une vision neuve de la mécanique évolutive de la conscience humaine. Vous serez à même d'améliorer votre évolution, non pas de l'accélérer, bien que plusieurs croient que cela est possible, car on n'accélère pas une évolution. Mais vous pourrez, ouais, la rendre pas mal plus confortable, ouais. Découvrir une vision neuve de l'évolution. Cela amène de temps en temps des chocs, ouais. Mais chaque choc est aussi un coup de pied qui vous permettra d'avancer, ouais. Dans les bons côtés du voyage astral, il y a le fait d'être capable de voyager confortablement. Loin, ouais, très loin. Très loin, dans la géographie, ouais, sur la planète. Mais vous pourrez aussi voyager dans le temps. Dans l'avenir, il est possible de voyager dans l'avenir, ouais. Mais l'avenir est incertain. Ce que vous y découvrirez n'est pas nécessairement votre avenir. Et n'est pas nécessairement un avenir qui un jour sera exprimé, ouais, dans la matière. Vous pourrez voyager dans le temps, vers le passé, ouais. Cela vous permettra de connaître l'histoire de la planète, l'histoire de l'homme, comme l'ont fait certains voyants et médiums qui ont écrit ce que vous appelez, dans le langage de l'âme, la tradition ésotérique, ouais. Alors vous pourrez peut-être voir l'hyperborée, la Terre blanche, ouais, qui se trouve sur le bouclier canadien. Vous pourrez voir la Lémurie, ouais. L'Atlantide. Et nécessairement la naissance de l'Europe blanche. L'un des grands bienfaits du voyage astral, c'est qu'il nous donne un moyen de se servir du temps passé à dormir, ouais. Le sommeil est essentiel parce qu'il permet à une partie de l'âme de l'homme de réintégrer l'endroit astral qui était présent lors de sa descente corporelle, c'est-à-dire lors de sa réincarnation. Ouais. lorsque cette partie de l'âme réincarne, retrouve le monde de la mort, se désincarne pour se paradisier dans la région astrale qui prévalait lors de sa naissance, dans l'ovule et dans le spermatozoïde fécondant l'ovule. Alors l'âme se dégage d'une façon bénéfique de certaines liaisons corporelles et c'est là que le sommeil psychologique atteint son point culminant. Ouais. Lorsqu'un individu parvient à cette région, 5 minutes après s'être endormi, il peut se réveiller une demi-heure après et il est parfaitement reposé. Ouais. Parce que le corps physique n'a pas besoin d'autant de sommeil que la psychologie, que l'astral, que l'âme. Ouais. Mais même si ce temps de sommeil est essentiel et bénéfique, il y a, dans le voyage astral, un moyen formidable d'utiliser d'une façon plus ample le temps qui est passé en dehors de ce point paradisiaque, ce point de repos psychologique, et de se servir des nuits ou des temps de sommeil pour continuer à apprendre des choses. Le voyage astral permet de poursuivre son évolution consciemment, en contrôlant, d'une certaine façon, ce qui se passe pendant la nuit. Ouais. Ce travail pendant le sommeil équivaut presque à doubler votre longueur utile de vie. Ouais. Ouais. Tout le monde devrait pouvoir faire ça. Ouais. Ouais. Il ne faut pas penser que pendant le voyage astral, vous serez capable de résoudre des problèmes. Non. On ne doit pas se servir du voyage astral pour réfléchir. On doit se servir du voyage astral pour voyager. Ouais. Pour voyager. Le travail évolutif pendant la phase de voyage astral est un travail uniquement basé sur l'accumulation d'informations, sur le fait d'apprendre. Ouais. Ce n'est pas un travail évolutif dans le sens d'aller chercher de la haute énergie spirituelle pour s'engaver le visage. Non. Car aller chercher de la haute énergie spirituelle fait partie des dangers du voyage astral. Ouais. Vous devez apprendre. Mais dans le voyage astral, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez comprendre qu'à l'intérieur de votre conscience. Ouais. Il y a, dans ce travail évolutif nocturne, la possibilité d'apprendre l'histoire, d'apprendre des événements, d'apprendre surtout ce qu'est qu'une conséquence. Ouais. Parce que le voyageur astral, la voyageuse astrale, a la possibilité de refaire maintes et maintes fois le même voyage. Ouais. Elle peut le faire sur différents points de vue, ouais. Sur différents étages, dans différents corridors, dans différents locaux de l'édifice du monde astral. Ouais. Le fait de pouvoir voyager sur différents points de vue en même temps, ouais, en même temps, permet à la conscience du voyageur et de la voyageuse de découvrir ce qu'est qu'une expansion de conscience. Ouais. Cela vous instruira de ce que c'est que le point de vue et cela vous fera comprendre par la suite dans votre conscience, chez vous, que tous les points de vue sont vrais dans le monde astral, bien que certains de ces points de vue soient totalement absurdes et inintelligents. Ouais. Je répète encore une fois qu'on ne doit pas faire confiance au monde astral. On ne peut faire confiance qu'à soi. Ouais. Ouais. Quelle que soit la beauté, ou quelle que soit la véracité de ce que vous y découvrirez, vous devez faire la part des choses. Ouais. Et vous ne devrez jamais décider d'obéir à une entité quelconque du monde astral, quelle que soit sa beauté, sa lumière ou son obscurité. Être capable de visiter l'histoire sous différents points de vue permet au voyageur et à la voyageuse de comprendre beaucoup plus de quelle façon est constituée l'âme, la psychologie humaine. Ouais. Et ces découvertes vous surprendront. Et normalement, dans le début, vous décevront. Vous apprendrez donc qu'il n'y a pas que le corps astral, qu'il n'y a pas que l'âme, qu'il n'y a pas que l'ego, que cela est de la mémoire, dans de la mémoire. Et vous découvrirez, au fin fond de vous, l'esprit. Ouais. Le moule dans lequel a été fondue la substance astrale, constituant le monde de la mort, le ciel, et constituant l'âme et l'ego. Chaque fois que vous bénéficierez de ce travail dans l'astral, vous découvrirez certaines choses, comme la possibilité, ouais, d'intervenir dans certaines trames qui vous nuisent. Vous pourrez rencontrer de l'énergie personnifiée, des entités, quoi, qui manipulent des parties de votre constitution amique, astrale, pour engendrer chez vous le stress, par exemple, la peur, l'ennui, ouais, l'ennui. Et vous pourrez apprendre comment affronter ces entités et comment leur faire peur, comment les éloigner de vous, ouais. Lorsque nous serons rendus à ce genre d'étape, il sera utile de vous rappeler de quelle façon est constitué le monde astral et quels en sont les dangers. Ouais. Parce que gagnant, vous devrez être. Ouais. Et gagnant, vous serez. Parmi les bienfaits de ce voyage, de cette méthode, outre le fait que vous pourrez comprendre un peu mieux ce qu'est l'évolution de l'âme, vous pourrez aussi vous servir prudemment. Prudemment, ouais. De la mémoire des maîtres. Lorsque vous irez dans les très hautes sphères de la spiritualité, vous y rencontrerez des pièges aussi subtils et dangereux que dans les bas-fonds du monde astral, dans l'enfer. Plus vous irez haut dans le monde spirituel astral, plus vous risquerez d'être leurré par les maîtres. Mais si vous restez vous-même le contrôleur de votre voyage, alors il n'y a pas de danger d'être l'esclave de la mémoire des maîtres. Se servir de la mémoire des maîtres, c'est être capable d'avoir un peu plus accès à l'information de l'esprit qui jadis a été communiquée sur la planète. Pourquoi il y a des dangers? Je répète que vous pouvez rencontrer la mémoire des maîtres dans l'Akasha, mais vous pouvez rencontrer la mémoire de ceux qui ont connu les maîtres. Et vous pouvez rencontrer la mémoire de ceux qui ont entendu parler des maîtres. Lorsque vous serez capable de retracer les maîtres, encore si ce n'est pas ces ces mémoires de maîtres qui vous retraceront. Ouais. Parce que les maîtres sont dans la mémoire astrale. Toujours à la recherche de disciples. Vous ne devez pas devenir un disciple. Non. Le disciple est nécessairement l'esclave de la pensée du maître. Et comme dans le monde astral, le maître, c'est de la mémoire. Alors le disciple astral est l'esclave de la mémoire du maître. Non. Il n'y a pas d'évolution dans ce chemin. Il n'y a que stagnation, arrogance, orgueil, plaisir. Ouais, snobisme, d'avoir un maître. Le fait de dialoguer avec des entités astrales de maître peut vous apprendre énormément de choses. Comme vous ne serez pas, du moins, pas avant quelques années capable de discerner entre la mémoire réelle de l'événement d'un maître et la coloration astrale des mémoires de ce qu'il a été. Bref, entre la réalité astrale et l'illusion astrale. Vous ne devez faire confiance à rien de ces maîtres. Mais vous pouvez écouter, dialoguer, ouais, parler. Et même si les entités ont apparence de vie et d'autonomie, rappelez-vous qu'ils ne sont que de la mémoire. Lorsque certains d'entre vous rencontreront les avatars de leur religion, ouais, ils peuvent facilement tomber sous l'effet omnibulant de la mémoire. Au lieu de se rappeler ce que j'ai dit, ouais, ils feront confiance à la mémoire de maître. Ils se réveilleront avec la fierté d'avoir rencontré un maître, un Dieu même, ouais. L'orgueil humain n'a pas de limite. Et ils se barbouilleront l'âme de ce contact. Ouais, danger. Danger. Les bienfaits du voyage astral vont jusqu'à permettre à un être humain de pénétrer dans certaines bibliothèques, ouais, de lire les livres en pénétrant dans le livre. Vous serez capable de percevoir chaque page et de lire, même si le livre est fermé. Ouais. Lorsque vous traverserez un mur, vous verrez les particules de briques, ou de plâtre, ou de bois, ou de pierre. Car on ne traverse pas comme s'il n'y avait pas de mur. Non, on peut, ouais. Mais on peut aussi se relaxer dans ce genre de jeu. Tant que ce jeu ne devient pas l'essence même du voyage. Ouais. Il ne faut jamais faire confiance au monde astral. C'est comme lorsque vous voyez un événement. Dans le monde astral, il y a aussi l'événement. Mais il peut y avoir tellement de déformations dans l'événement, tellement de colorations dans l'histoire, que ce que vous voyez n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Une illusion peut vous apprendre autant qu'une réalité. Mais il ne faut pas considérer que parce que vous l'avez vu dans l'astral, que parce que vous l'avez vu clairement, en couleur, mieux qu'avec les yeux, que parce que vous l'avez entendu, senti, que cela est plus vrai que vrai. Ouais. Vous reviendrez donc de vos sorties astrales avec du bagage, une expérience que vous n'auriez pas pu avoir avec le corps physique. Vous doublerez, triplerez, quadruplerez l'ascension évolutive de votre conscience si vous savez être humble et ne pas vous prendre au sérieux. Ouais. Dans le voyage astral, vous pourriez aussi, si vous ne connaissez pas la peur, cheminer avec d'autres individus, ouais, qui font des cauchemars, par exemple, ou qui ont certains problèmes avec des entités, qui les forcent à boire, à chialer. Et si l'autre personne est totalement d'accord, et c'est important, qu'elle le soit. Vous pourrez rejoindre son rêve. Rêver avec elle. Contrôler ce rêve. Corriger ce rêve. Libérer la personne, ouais. Mais vous devez être capable pour vous-même avant. Vous devez être libre des contraintes du monde astral avant de penser libérer quelqu'un d'autre. Ouais. Mmh, ouais. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans le voyageur astral. Car sinon, il attire le danger comme le miel attire l'abeille.